faits et gestes parlent de toi. Pourtant lorsqu'on s'est quitté il y a quelques mois, je n'aurais jamais pensé qu'après un si grand naufrage, je serais autant attaché à toi. Je connais.